Chapitre 4. Naissance de Merlin. Dans les premiers mots qui vont nous arrêter, en reprenant l'histoire de Merlin où je l'avais laissé, nous trouverons déjà la preuve du respect de certaines convenances à l'usage du XIIe siècle aussi bien qu'au nôtre. Dès que la jeune fille, instrument des mauvais desseins du démon, soupçonne le malheur qui lui est arrivé, elle se hâte d'aller tout raconter au saint homme qui la dirigeait. Mais elle ne va pas le trouver seule. Si appela son sergent, son valet ou serviteur, qu'il y amena deux femmes, et quand elle fut revenue, si se mistrent à la voix pour aller au confesseur. Ce détail n'est pas inutile, et je ne sais si toutes les jeunes dévotes de notre temps ont toujours soin de prendre les mêmes précautions. Le prud'homme témoigna autant d'incrédulité que le cas le méritait. Enfin, désarmé par l'air de sincérité de la pauvre Dolente, il lui prescrivit une pénitence sévère pour le péché de négligence dont elle s'était au moins rendue coupable. Car, lui avait-elle dit, par la grand-tire, m'oubliait à signer. Ainsi oubliait tous les commandements que vous m'aviez faits, et quand je m'éveillais, s'y me trouvait au nid. Le prud'homme lui interdit toute distraction profane, toute pensée frivole et déshonnête. « Je la te défends pour toujours, for celle qui avient en dormant, dont nul ne se peut garder. » Le démon vit avec rage qu'il avait pu souiller le corps de la Vierge sans devenir maître de sa pensée, si bien que, il ne savoua, que elle faisait ne que elle disait plus, que ce elle n'eût donc été. Mais il se consola en pensant qu'au moins l'enfant lui appartiendrait. La grossesse de la demoiselle se déclara, et l'on ne tarda guère à s'en apercevoir. Les autres femmes en la regardant, « Dieu, belle dame, » disait-elle, « Eh, que vous est-il arrivé? Comme vous prenez du corps? » « C'est la vérité, » répondait-elle. « Seriez-vous donc grosse? » « Je le crois. » « Et de qui? » « Que Dieu ne me fasse pas la grâce d'être délivrée, si je le sais. Avez-vous donc eu affaire à tant d'hommes? » « À Dieu ne plaise qu'un seul ait jamais jusqu'à présent approché de moi. » À ces mots, les femmes se signaient. « Belle amie, ce que vous nous dites n'est pas et n'a jamais pu arriver. Vous aimez mieux apparemment celui qui vous a connu que vous ne faites vous-même. Vous ne voulez pas l'accuser, il vous en arrivera malheur. Quand la justice le saura, il vous conviendra mourir. Faut-il que tant de belles maisons, tant de belles terres soient perdues ? La justice n'attendit même pas la délivrance de la jeune fille. Avertie de ce qu'on publiait, des sergents vinrent la prendre. Elle fit sans hésiter l'aveu qui devait la faire condamner. Le prud'homme, qui ne la perdait pas de vue, pria les juges d'attendre au moins que l'enfant fût mis au monde. « Je ne vous dirai pas, leur dit-il, ce que je pense de cette femme, mais le fruit qu'elle a conçu n'est pas coupable. » Ordonnez donc que la malheureuse mère soit enfermée dans une tour et séparée de toutes les gens du dehors. Donnez-lui pour compagne deux femmes qui l'aideront au moment de sa délivrance et qui n'auront de communication avec personne avant d'avoir rempli cet office. Pour la mère, vous lui accorderez le temps d'allaiter son enfant jusqu'au jour où il pourra supporter une autre nourriture. Puis vous ferez d'elle tel jugement qu'il vous conviendra. Les juges accordèrent ce que demandait le prud'homme. On conduisit la demoiselle dans une tour dont toutes les portes furent murées. Deux matrones des plus sages furent enfermées avec elle. De la fenêtre pratiquée au haut de la tour descendait une corde à l'aide de laquelle on leur montait tout ce qui leur était nécessaire. En prenant congé, le prud'homme dit à la demoiselle d'avoir soin de faire baptiser l'enfant aussitôt sa naissance, puis de lui faire donner avis du jour où elle serait appelée devant les juges. Le terme arrivé, elle mit au monde un fils qui semblait devoir appartenir au démon qui l'avait engendré. Mais, comme la jeune fille n'avait pas subi volontairement l'odieuse étreinte, Dieu, qui nous a tous rachetés et qui connaît nos vraies pensées, ne souffrit pas que l'enfant fût entièrement acquis à l'ennemi. Seulement, pour demeurer juste, même envers le démon, Dieu permit que Merlin eût comme son père la connaissance de toutes les choses passées, puis puis, afin de rétablir la balance entre le ciel et l'enfer, Dieu joignit à la science que l'enfant recevrait de son père celle de l'avenir que Dieu lui accorderait. Ainsi pourra-t-il choisir librement entre ce qu'il tiendrait de l'enfer et ce qu'il tiendrait du ciel. En telle condition naquit Merlin. À son aspect, les matrones poussèrent un cri de frayeur, car il était velu comme jamais enfant n'avait été. Pour la mère, en le voyant, elle fit un signe de croix et s'écria « Pour Dieu, mes bonnes dames, faites qu'il soit sur le champ baptisé !» Et quel nom lui voulez-vous donner ? Celui de mon père qui était Mélin ou Merlin. Elles le posèrent aussitôt dans le panier que la corde élevait et abaissait, et elles firent entendre aux sergents chargés de communiquer avec elles qu'ils eussent à le faire baptiser sous le nom que la mère avait indiqué.